Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'Histoire, l'actualité est la recherche sur l'histoire de l'esclavage. Esclavage et post-esclavage au pluriel, c'est le titre d'une nouvelle revue qui paraît en libre accès sur la plateforme Open Edition. Au sommaire de ce premier numéro, des contributions qui couvrent cette histoire aussi bien au Mexique qu'au Chili, en Haïti, au Cameroun, qui traitent de la question des droits de la diaspora des travailleurs indiens et s'emparent d'un des points de grande discussion entre ceux qui élaborent cette histoire. Comment restituer l'expérience des esclaves eux-mêmes alors que si peu d'archives sont à disposition qui en témoignent directement ? Du fait même de la condition des esclaves, les récits personnels comme celui de Solomon Northup intitulé « 12 Years a Slave » que Steve McQueen a librement adapté au cinéma en 2013 sont à peu près inexistants. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Revue pluridisciplinaire, Esclavage et post-esclavage promet de relater la vitalité des recherches en cours en affirmant que la notion de post-esclavage répond à un effacement contraint de cette histoire. Puisque les esclaves étaient désormais libres, il n'était plus souhaitable d'en parler après l'abolition. La réconciliation se devait d'être instantanée et sans transition, une véritable injonction à l'oubli. Les études sur ce moment d'après répondent à cette invisibilité imposée qui masque les structures sociales héritières de l'esclavage en analysant la présence de ce passé dans notre monde contemporain. Une initiative salutaire si l'on en croit les interprétations fantaisistes et les usages politiques discutables de cette histoire. Cette vidéo de Martinique Première montre des militants tout à fait pacifiques, guidés par Kémi Séba, fondateur de la Tribu K, organisation dissoute pour haine raciale en 2006. L'action du 25 février 2018 se déroule dans un supermarché situé au sud-est de Fort-de-France et veut protester contre la prépondérance économique des béquets, les descendants des premiers colons. Une action spectaculaire au cours de laquelle chaque participant se saisit d'un paquet de sucre de canne de couleur rouge. Dans la revue numérique Zist, Zaka Toto signait une série d'articles intitulée « Le sucre » en 2018, dans laquelle il relate notamment la bévue historique de Kémi Séba et de ses disciples. Si le supermarché théâtre de cette mise en scène appartient bien à une famille béquée, ce n'est pas le cas de ces sacs de sucre investis de la mémoire des plantations et de la colonisation. L'usine Galion qui les produit est la dernière sucrerie encore en activité en Martinique après l'effondrement de cette filière sur l'île grâce à un capital majoritairement public et incarne le combat des descendants d'esclaves tout au long du XXe siècle pour se réapproprier les outils de production. Zaka Toto conclut en dénonçant la manipulation historique opérée par Kémi Séba et, je cite l'auteur, « un effacement de l'histoire concrète, tangible, bien réelle, d'un peuple qui travaille à son émancipation ». Esclavage et post-esclavage et le tout au pluriel. On retrouve les liens à lire, à voir, à écouter. Tout ça, c'est sur le site internet franceculture.fr. Merci beaucoup Anaïs.